بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، dans ce cours d'aujourd'hui سنأخذ مسائل جديدة وهي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بإذن الله تعالى. هذه trois nouvelles questions qui sont la 16e, la 17e et la 18e. Toujours dans notre étude du livre Al-Mabadi al-Mufida li Sheikhina al-Nasih al-Amin Yahya ibn Ali al-Hajuri حفظه الله تعالى. Donc cette 16e question, elle est: فإذا قيل لك ما تعريف الإسلام فقل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والدليل قول الله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. La traduction serait approximativement traduite par le prophète Ayoub sallallahu alayhi wa sallam: si on te demande quelle est la définition de l'islam, dis: c'est le fait de se soumettre à Allah avec unicité, lui obéir avec docilité et se purifier du polythéisme, c'est-à-dire le shirk. Et la preuve est la parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit: votre divinité est une divinité unique, alors soumettez-vous à lui, et fait bonne annonce à ceux qui s'humilient. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit: ô vous qui croyez, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en lui étant pleinement soumis. En lui étant pleinement soumis. Qad akhazna an al-islam fi al-am wal-khas. En début de livre, nous avions évoqué que l'islam est de deux sortes: l'islam am, le général, qui est celui qui a été celui par lequel sont venus tous les messagers avant notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la définition que nous venons de prendre à l'instant, c'est celle-là, c'est celle de l'islam am, général. Et également, il y a l'islam al-khas, celui par lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec, dont le dogme est le même que celui sur lequel étaient tous les messagers, Ali sallallahu alayhi wa sallam, mais il est venu avec des rites, se différenciant des législations des communautés antécédentes. Sur beaucoup de points. Pas dans tous les points, mais sur beaucoup de points. Et cet islam, qui lui est le khas, c'est celui qui est défini dans le hadith de Jibril, apporté par le musulman, lorsque Jibril dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالْ أَنْ تَشْهَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُتِيَ الزَّكَاةِ وَتَصُمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَ الْبَيْتِ. فَقَالَ صَدَقْتِ. Il lui dit, Jibril, le prophète, informe-moi de l'islam. Il lui dit, l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée. En réalité, c'est signé Allah, et que Mohammed est son messager, et que tu accomplis sa salat, que tu acquittes de la zakat, que tu jeûnes lors du mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée. Il lui a dit, tu as raison. Également, cet islam a été bâti sur des piliers, comme cela fut cité dans le hadith rapporté par Ibn Omar, muttafaqun alayhi, lorsqu'il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, anna Muhammad rasulullah, wa iqami salat, wa itai zakat, wa hajj al-bayt, wa sum ramadan. Qui dit que l'islam était bâti sur cinq piliers, qui sont les deux attestations, qui sont l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat et le hajj vers la maison sacrée, ainsi que le siyam de Ramadan. Celui-là également, c'est l'islam qui est khas, celui qui est venu par lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous l'avons dit, tous les messagers ont appelé au tawhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de Tahout. Donc tous les messagers étaient des musulmans. Et tous leurs suiveurs également étaient des musulmans. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Et aujourd'hui, nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est en droit d'être le plus aimé auprès de n'importe qui, parmi les gens de sa communauté. Plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos frères, nos enfants, nos propres personnes et nos biens. Comme dans le hadith est venu, car cela est parmi les signes de la foi. C'est que Allah et son messager soient aimés auprès du serviteur plus que toute autre chose. Et forcément, de là une parenthèse, que si tu aimes une chose plus que tout, tu te dois de la protéger, de la défendre, de l'honorer, de la respecter, de t'allier pour elle et de te désavouer pour elle. Comme cela est arrivé, par exemple, après que notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait été offensé, insulté par ces angels de Kuffar qui se sont permis de le blasphémer en le représentant sous une forme rabaissante par des caricatures. De là, il s'en est suivi ce qu'il s'en est suivi, comme vous le savez. Le point à l'apporter, c'est est-ce qu'il est permis aux musulmans de faire ses condoléances à la base d'un kafir qui meurt, tout simplement, et que dire de plus, un kafir qui a osé s'en prendre à l'islam, à la meilleure des créatures. Est-ce qu'il revient aux musulmans de faire ses condoléances? Déjà, à la base, on ne fait pas de condoléances aux kafirs. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une janaza passa, il a dit « Imma mustalih, awma mustalah minou ». Quand un homme meurt, c'est soit lui, il se repose, cet homme, c'est-à-dire un musulman pieux, ou soit nous, on se repose de lui, c'est-à-dire que c'est une personne qui faisait du mal. Alors que dire d'un kafir? Et que Allah n'aime pas les kuffars, il ne les aime pas. Et que celui qui meurt sur le kufr et parmi les gens du feu éternellement. Et non pas, comme certains auraient eu le toupet de dire cette phrase du kufr, qu'ils sont au paradis, d'une part. D'autre part, il ne revient pas aux musulmans dans ce genre de situation, bien qu'ils blâment cette façon de faire, qu'ils blâment le procédé employé par ceux qui auraient tué ces personnes-là. Car réellement, qui sont-ils? On ne le sait pas. Ils disent des choses à la télévision. Mais ce sont tellement des menteurs, ces gens-là, et des comploteurs, hein, qui ont un objectif qu'on ne peut se permettre de croire ce qu'ils disent. Quoi qu'il en soit, il ne revient pas à un musulman, sûrement pas, de dire « Je suis Charlie ». T'es pas Charlie, t'es un musulman. T'es un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce serviteur, tu es au service, tu es là pour adorer celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé a envoyé ce messager et t'a ordonné de l'obéir, de l'aimer, plus que toute autre chose. Et de le défendre, de défendre son honneur. Et comme nous l'avons dit, d'aimer pour lui et de te désavouer pour lui. Donc comment oser ta parenté et te nommer à ce torchon qui est le Charlie Hebdo pour pouvoir dire je suis Charlie? Soit t'es Charlie, soit t'es musulman, t'es pas les deux. Soit t'es Charlie, soit t'es musulman. Hein? Et qu'y a-t-il donc après la vérité, ce n'est l'égarement. Et en plus, Même on ne dit pas que le terme Shushan est employé, le musulman n'a pas à rentrer dans ce genre de marche, soi-disant, de solidarité, en vue de célébrer la mémoire de ceux qui ont été tués. Déjà, ceux qui ont été tués là, parmi les koufars, ils sont en enfer, éternellement. Walhamdulillah, il n'y a pas peur sur leur sort. Donc le musulman a sa dignité, il a sa aqidah, il a le chemin qu'il suit, il a la tête haute. Et quand bien même il viendra avoir un moment de faiblesse et avoir, comme on dirait, à courber les chines, alors que ce ne soit sûrement pas devant les pires des créatures. Devant les pires des créatures. C'était juste une parenthèse pour parler de ça. En réalité, dans le prochain Ders del Mabadi al-Mufida, on en parlera un peu plus, qui est Izirkilalek Ma'aridatuka. Quelle est ta croyance de dire je suis sunni, salafi? Inch'Allah, on parlera plus de ce sujet-là à ce moment-là. Là, c'était juste pour le moment, quand vous savez, ça, ces événements sont dans nos poitrines. Et cela nous a fait mal de voir la communauté aussi rabaissée. On a pas mal hein, de ce qui arrive à ces koufars. Non, pas du tout. Hein? Mais on a mal de voir les conséquences de cette ignorance chez beaucoup de gens de la communauté, comment ils se comportent, comment ils se rabaissent. Hein? Et tout cela au nom de l'islam. Qui ne portent même pas leur propre erreur sur eux-mêmes, mais osent dire et osent parler au nom de l'islam. Ensuite, 17e mas'ala, question. فَإِذْ يَقِيلَ لَكَ هَلُوا دِينُ الْإِسْلَامِ كَامِلٌ أَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى تَكْمِيلٍ فَقُلْ هُوَ دِينٌ كَامِلٌ والدليل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc si on te demande est-ce que la religion de l'islam est complète ou bien a-t-elle besoin d'être complétée, dit c'est une religion complète et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, vous êtes comblé de mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Naam. Donc encore une question primordiale pour le musulman, qu'il sache que sa religion elle est complète, qu'il n'y a rien à rajouter. D'accord? Car ce qui a amené l'égarement de beaucoup de gens de leur religion, parmi les gens du livre, c'est qu'ils ont changé leur livre de leur main, d'accord, pour différents motifs, et parmi eux, le fait d'arranger leur religion qui n'était plus forcément bonne à leurs yeux. Nous, le musulman, sa religion, comme le prophète verset, est terminée et complète, et il n'y a rien à rajouter, et rien à enlever. Et ce jugement est celui de notre Seigneur, min Rabbil Alamin. Car celui qui viendrait amener une chose nouvelle, cela inclurait de sa parole, de son acte, que la religion n'est pas parfaite, donc cela amènera à démentir ce verset. Comme cela est le cas de ceux qui amènent des bid'a dans la religion, des innovations. C'est comme s'il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté, ne nous a pas tout appris, comme on nous reproche d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Mohammed ne nous a pas démontré qu'est-ce que Allah il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Car l'origine dans les actes d'adoration, c'est que ceux-ci sont tawqifiyya, sont basés sur un décret divin, qu'on ne peut adorer Allah si ce n'est que s'il a légiféré. Est-ce qu'il a légiféré? Cela nous a été éclairé par le Coran et la Sunna. Rien de plus. Pas par nos raisons. Pas par la philosophie. Pas par les mathématiques. Pas par les sciences modernes. Par le Kitab et Sunna. Comme cela va venir également. Donc la religion de l'islam est complète. Dans l'histoire de ce verset, il est venu un hadith apporté par l'imam al-Bukhari an Tariq ibn Shihab an Omar ibn Khattab an rajulan min al-Yahud qala lahu ya amir al-mu'minin ayatun fi kitabikum takra'unaha law alayna ma'ashara al-Yahud nazalat lattakhaznaha dhalika yom عيدا qala ay ayah qala adlium اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد غرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفات يوم الجمعة. Donc selon Omar, qui disait que un homme parmi les hommes parmi les juifs serait venu le voir et lui dit: ô commandeur des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous récitez, que s'il était descendu sur nous, nous, le groupe des juifs, nous aurions pris ce jour comme Eid, comme fête. Omar lui demanda: et de quel verset s'agit-il? Il dit, et resta le verset dans le sens où il dit: et aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé ça pour vous comme religion. Omar lui dit: nous savons très bien quel jour est descendu ce verset, en quel lieu, en quelle occasion. Il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il était encore debout à Arafat, le jour de Jumu'ah. Naam. Également, j'aimerais lire, toujours par rapport à ce verset, une parole de l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, de son tafsir. Où est-ce qu'il dit? Dans la parole, Elium akmeltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé ou j'ai complété pour vous votre religion. Yaqul bitamam an-nasr wa takmil ash-shara'i' adh-dhahirati wal-batina, al-usul wal-furu'. Wa li hadha kana al-kitab was-sunnah kafayyayn kulli kifayah fi ahkam ad-din wa usuli wa furu'i. Donc il dit que Allah dit dans le sens: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, c'est-à-dire par le secours complet et pas une législation complète, apparente et cachée, c'est-à-dire dans les actes intérieurs et intérieurs, hein, dans ce qui touche aux fondements et aux branches. Et c'est pour cela que le livre et la sunna suffisent largement, hein, comme référence dans les rites de la religion, dans leurs fondements et leurs branches. فكل متكلفين يزعم أنه لابد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير العلم الكتاب والسنة من علوم من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في الدعوة فقد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه وهذا من أعظم الظلم وتجهيل لله ورسوله. Il dit: et toute personne parmi les gens sur qui la législation est imposée, qui prétendrait qu'il est obligatoire pour les gens, afin qu'ils puissent connaître leurs croyances, hein, et leurs rites, leurs règles, il faut que ces gens-là apprennent des sciences autres que celles du livre de la Sunna, comme par exemple les sciences de la parole, de la falsafa, de la philosophie et autres. Alors celui qui dirait une telle parole, c'est un jahil, un ignorant, hein, une personne à la parole fausse dans sa prétention. Et cela amènerait à dire que la religion n'a pas été complétée, à part parce qu'il aurait dit, qu'il aurait prétendu. Et cela est parmi les plus grandes injustices envers Allah et son messager, et le fait de faire ignorer leurs paroles. Non. ثم في قوله وأتممت لكم نعمتي أي ظاهرة وباطنة ورديت لكم الإسلام دينا أي اخترتوه واصطفيته لكم دينا كما ارتديت لكم فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بافضل الاديان واشرافها وكمالها. Donc ça parle dans le sens où il dit: et j'ai parachevé pour vous mon bienfait, c'est-à-dire le bienfait qui soit apparent ou caché, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion, dans le sens, c'est-à-dire que je vous ai choisi cette religion et je l'ai élevée et purifiée pour vous, tout comme je l'ai agréée pour vous. Alors, remerciez votre Seigneur, soyez-en reconnaissants, et louez celui qui vous a gratifié par la meilleure des religions, la plus noble et la plus parfaite. Intaha kalam. Telles étaient les paroles de l'imam Sa'di, rahmallahu ta'ala. Également, parmi des points que notre cher Abdurraqib Ekaoukabani a donné en commentaire de ce livre, il dit quelques fawaïd pour montrer ce par quoi se distingue l'islam des autres religions, c'est-à-dire de l'islam précédent, on va dire. L'islam khas, par lequel il se distingue de l'islam aam. Il cite à trois points. Parmi eux, il dit الكمال ودليله الآيات المتقدمة اليوم أكملت لكم دينكم que cette religion est parfaite et la preuve c'est le verset cité là. ثانيا الشمول que cela englobe tout le monde. قال تعالى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وقوله تعالى وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وفي البخاري عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. Hein, parmi les preuves que cette religion englobe toutes les personnes, tous les êtres humains et les djinns actuellement présents après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. El alamin, el alamin c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Et la parole dans le sens où il dit et nous t'avons envoyé pour tous les hommes en tant que annonciateur et avertisseur. Et dans le Sahih al-Bukhari, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque prophète est envoyé à son peuple, alors que moi j'étais envoyé à tous les hommes. Naam. Également, al-Baqa, que cette religion perdure et demeure, contrairement aux autres qui ont été abrogés. Quand le Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun. وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآية وما مثله طيب ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآية ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا وأوحى الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Donc dans le verset, dans le sens Allah, il dit que c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens, c'est-à-dire le Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa révélation, son livre, sa parole et la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux sahihain, selon Abu Huraira, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il m'a été donné tout ce qui était donné aux autres messagers précédents. Hein? Et que ce qui m'a été accordé n'est qu'une révélation que Allah m'a inspirée. Et j'espère être celui qui aura le plus de suiveurs. C'est-à-dire le messager espère être le messager qui aura le plus de suiveurs, la plus grande communauté. Et tel est le cas. Car le plus grand nombre des gens du paradis sont les gens de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme de la hadith d'Ibn Abbas, cela est venu, lorsqu'il dit qu'il avait vu une grande masse noire, quand il dit Man haoula qila a dit Ummat Moussa. On l'a dit au début. C'est la communauté de Moussa. Ensuite, il regarda vers l'horizon et il vit une autre grande masse encore plus grande, une masse noire encore plus grande. Il lui fut dit, voici ta communauté. Non. Donc la communauté de l'islam est la plus grande des communautés. Les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les plus nombreux et plus nombreux que les suiveurs des autres prophètes. Et comme vous le savez, certains prophètes sont même venus et personne ne les a suivis. Certains sont venus, ont été suivis que par une ou deux personnes, et ainsi de suite. Non. طيب ثم المسألة السابعة عشر دي ستم كيستيون ولدي فإذا قيل لك من أين يأخذ المسلم دينه فقول يأخذ المسلم دينه من القرآن والسنة على فهم السلف الصالح ودليل قول الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وانظر الحديث الذي بعد هذا Et si on te demande, et s'il te dit, d'où est-ce que le musulman prend sa religion? Il dit, le musulman prend sa religion du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, ne leur suffit-il pas, donc nous ayons fait descendre sur toi le livre qu'il aurait récité? Et sa parole, subhanah, dans le sens où il dit, puis, si vous vous disputez sur une chose, envoyez-la à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et sa parole, subhanah, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, pas ceux qui ont subi ta colère, ni des égarés. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, Et celui qui, dans le sens où il dit, et celui qui fait sécession d'avec le messager après que la guidée lui soit parvenue, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous le laisserons comme il s'est détourné et nous le brûlons en enfer, et quelle mauvaise destination. Et également, regarde le hadith qui suit. Comme cela viendra, inshallah, dans la première, la prochaine question. Donc là, nous savons que le asl, que le muslim, sa religion, d'où il l'apprend, il ne l'apprend pas de sa raison. Il ne l'apprend pas des sciences modernes, comme l'a mis en attention l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir. Il ne le prend pas de la logique. Il ne le prend pas de la philosophie, mais tout simplement du Coran et de la Sunna. Le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inchangée, inaltérée, parfaite, complète, sage. Et la Sunna, authentique, préservée et purifiée. Car dans la Sunna, des choses ont été attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas vraies. Certaines par mensonges, comme le hadith Maudour qui était inventé, et d'autres par des hadiths qui sont faibles, et d'autres par des ijtihad. Car des fois, des hadiths, les savants, ne sont pas forcément sur la même terminologie. Certains peuvent voir des hadiths faibles, et d'autres vont les voir authentiques, et ainsi de suite. Mais il y a des choses sur lesquelles il y a unanimité. Des hadiths qui ont unanimité sur leur authenticité et qui ne sont pas discutés. Non. Et également, parmi les choses sur lesquelles le muslim peut baser les jugements religieux, il y a également l'ijma. Ce qu'on appelle, comme on vient de le dire, l'unanimité. Naam. Mais un vrai ijma. Et le plus grand des ijma est celui des sahaba, celui des compagnons. Radiallahu anhum ajma'i. Il y a également ce qu'on appelle al-qiyas, qui est la comparaison par analogie. Et celle-ci, si elle est authentique, également est acceptée comme étant un argument. Mais ce n'est pas tous les gens de science qui l'approuvent et le voient. Donc l'importance, car aujourd'hui on verra rarement un muslim dire que moi je ne prends pas du Coran et de la Sunna. Tu ne verras pas un muslim qui ne dit pas cela. Il va dire moi, je prends du Coran et je prends de la Sunna. Celui qui prétend ne prendre que du Coran et pas de la Sunna, celui-là fait partie de cette secte des Coraniyin, ce qu'ils appellent les Coranites. Ceux qui disent ne prendre que le Coran, car la Sunna, ils doutent de son authenticité. Donc ils disent, on ne prend que du Coran. On dit, celui qui dit cela est un menteur. Car le Coran, tout n'est pas révélé dans son intégralité par rapport aux actes d'adoration dans le Coran. Par exemple, les salawat, les khams, les cinq prières quotidiennes. Qui est-ce qui les a déterminés dans le Coran? Où est-ce qu'ils ont été nommés? Leur temps, la façon de les accomplir. Cela n'est pas cité dans le Coran, dans la Sunna. La façon de faire le Hajj. Hein, bien nombre de rites ont été déterminés par la Sunna. Donc celui qui dit qu'il ne prend que du Coran ne saura pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et cela même amènera à mécroire. Car dans le Coran, Allah a bien fait comprendre que la Sunna est à prendre. Naam. Également, ceux qui disent on prend du Coran et de la Sunna. Combien aujourd'hui le disent? Les soufis le disent, les rois le disent, les khawarij le disent. Les tablirs le disent, toutes les sectes le disent quasiment. Cependant, où est le point qui nous distingue des sectes égarées? C'est la compréhension. Comment comprendre le Coran et la Sunna? Car plein de gens prennent un verset et de leur tête l'appliquent comme eux ils le voient. Ils vont prendre un hadith et l'expliquent comme eux ils le voient. Toute la distinction se fait dans quoi? Dans la compréhension qui elle est basée sur la compréhension de ceux qui étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accompagné et ces gens dont il a fait l'éloge. Comme il a dit, le meilleur des siècles, le mien, puis celui d'après, puis celui d'après. Car ces gens-là étaient les gens qui, premièrement, qui ont vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui. Que Allah a gratifié de leur présence auprès de lui. Et dans le Coran, Allah a fait leur éloge également. Donc, pourquoi se tourner vers quelqu'un d'autre que vers ces gens-là pour comprendre les versets et les hadiths? Également, ces gens-là sont ceux qui comprennent le mieux la langue arabe. Car elle était leur langue maternelle, purement. Alors qu'aujourd'hui, cette langue a été altérée par l'entrée des non-arabes dans cette religion. Et ainsi de suite. Également, ces gens-là étaient les gens les plus pieux qu'il y ait. Et la taqwa est parmi les conditions de compréhension de la religion. Wattaqullah yu'allimukumullah. Et craignez Allah, Allah vous apprendra. Celui qui est pieux aura une compréhension bien plus forte que celui qui ne l'est pas. Tu pourras trouver des gens pervers, commettant des péchés, ayant de la science. Des mahfouzat, des choses qui mémorisent, ainsi de suite. Cependant, ils ne seront pas au niveau de ceux qui appliquent et qui sont pieux. Non. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera une distinction, un discernement. Donc celui qui craint Allah aura un discernement. Il sera plus à même de pouvoir comprendre l'objectif et ce qui est attendu de lui dans la religion. Et donc cela a amené beaucoup d'égarements. Ce point de divergence qui est de qui prendre le livre de la sunna. Je me rappelle avoir écouté une cassette de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, où il devait faire un débat avec des Mu'tazila. Je crois que c'était des gens du Hizb Tahrir à l'époque. Et ils ont bien dit, au début, ils sont tous mis d'accord de prendre, se baser sur le Coran, ensuite la Sunna. Là où le débat s'est arrêté, c'est comment les comprendre. Cheikh Al-Albani a voulu les emmener à comprendre ces deux éléments référentiels pour les musulmans, de le prendre des salaf salih. Et bien sûr, les Mu'tazila ne suivent pas ce madhab, ne sont pas sur ce manhaj. Et ils ont senti le Cheikh arriver. Donc ils ont voulu faire quoi, eux? Nous, on le comprend avec notre raison. Et de là, le Cheikh, il a dit, eh bien, le débat a terminé avant même qu'il ait commencé. Quel avantage aurais-je à parler avec des gens comme vous si on ne met pas d'accord sur des points dès le début? Sans même avoir commencé, nous sommes déjà en divergence. Donc on ne va pas aller loin. C'est comme demain, tu veux débattre avec quelqu'un, par exemple, même avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Il faut bien que tu aies un point référentiel pour vous mettre d'accord. Sinon, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et tu peux parler des heures et des heures sans aucune faïda. Donc, le point de retour pour le musulman, c'est cela. Le kitab, le Coran, la sunna. D'accord? La sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, authentique. Et comment comprendre ces deux éléments? Par la compréhension des plus prédécesseurs, salaf salih. Et la réelle, pas la prétendue comme beaucoup aujourd'hui le disent. Nous suivons le Coran et la sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs. On les voit, c'est écrit sur des titres, sur des sites, sur des livres, je ne sais où, dans des conférences et autres. Mais point de vue acte, il n'y a pas grand monde vraiment qui applique cette parole. Beaucoup de prétentions et peu d'actes. Beaucoup se sont apparentés à ce manhaj injustement et trompeusement ou par ignorance. Ils le sont vraiment mais ils ne savent pas, ils ne l'ont pas compris. Donc il nous revient de prendre la science, hein, légiférer chez ces gens aptes à l'enseigner parmi les rabbaniyin et non pas la droite à gauche chez des ignorants ou des muta'alimin, des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Non. Et cela aurait évité bien des désagréments comme ceux que l'on vit actuellement, comme les événements de France. La France n'est pas le seul pays touché par ce mal. Mais là, vous voyez vraiment, vraiment, vraiment les conséquences de l'ignorance. Ce qui se passe actuellement, là, avec l'histoire de Charlie Hebdo, et ainsi de suite. Vous voyez vraiment le hal de la umma. فَنَسْأَلَ اللَّهُ أَنْ جَنِّبَ الْفِتَنْ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَنَكُلْ سُبْحَانَكَ لُمَا وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهِ لَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. مع تحية دماج أفاق.com.